Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, en ce magnifique jeudi 9 mai 2013, nous voilà de retour à CKIA pour une autre émission de Puissance Maximale avec Monsieur Andrew Castegan. Salut Andrew. Bonjour Monsieur Michael Debout. Oui, ben oui, on faisait ça à l'époque avec Vincent et tout. Là. Il me semble qu'en début d'émission comme ça, là, ça va me donner un peu de pep après une grosse journée de travail. Et me voilà à Puissance Maximale. Et là, tu es prêt pour une autre grosse émission, M. Castegan? Ben toujours, comme à chaque semaine, on est toujours une émission pleine de contenu. Et oui, et là, cette semaine, on va vous parler, entre autres, sécurité informatique avec M. Pierre-Luc Pelletier. On va vous parler, en fait, de la formation possible pour les gens pour aller travailler en sécurité informatique. Pour des programmes au Québec. On va vous parler de ça. On va vous parler également, en tout cas, M. Castegan va nous parler du jeu de plateau X-Wing Miniature Game que tu as eu la chance d'essayer cette semaine. Et on va vous parler aussi du film Iron Man 3 qu'on a eu la chance d'aller voir hier au cinéma. Donc, voilà, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres, aller regarder des nouvelles et des photos. Vous pouvez aller aussi sur notre page Facebook, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver assez facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, et vous pourrez en profiter également pour aller, vous allez voir, on a un post qui est, comme on dit, piné sur notre mur Facebook, et c'est le post pour aller participer à notre campagne de financement qu'on a commencé la semaine passée. Donc, vous pourrez vous rendre sur le site Indiegogo. Vous allez avoir l'adresse, c'est sur la page Facebook, pour aller faire des dons pour aider Puissance Maximale à passer au niveau supérieur. Donc, on appelle ça Puissance Maximale 2.0. Améliorer notre site internet, entre autres, et acheter de l'équipement pour faire des reportages et des émissions en mode itinérance, donc un peu c'est, partout. C'est tout à votre avantage. Et tout à fait, puis vous avez évidemment des récompenses vis-à-vis là, le don que vous allez faire, donc allez voir ça sur le site. Le plus haut, c'est le 9001. Ben oui, bien évidemment, le 9001 qui vous permet d'avoir la puissance maximale qu'il faut pour combattre Vegeta, le prince Saiyan, et aussi une magnifique figurine de Goku pour témoigner de cette puissance maximale. Et M. Castegan, on va commencer en musique, justement. On va commencer en musique, tu vas voir la chanson juste devant toi. Le retour du roi. Et oui, une chanson de Manon qui est comme la suite de la vallée de Dana. Donc, vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Le payer de ma vie, ne te pose pas de questions. Enfin, rappelle-toi, me revoilà. C'est moi, le roi de la tribu de Dana. Ouais, voici qu'aujourd'hui, un jeune conquérant veut prendre la place de ma décennie. Je ne peux pas le croire, pourtant je suis devant le fait. Tu connais mon histoire et comment j'ai tenu tête devant toute une armée de guerriers qui n'a pas trouvé de quête, mais qui a gravé en moi la plus grande. facile, car je ne veux prendre ma place. Si mon histoire est inutile, alors je ferai face. Je s'il te plaît, rappelle-toi de tous les récits des lois et des tribus de Tana. Ne fais pas n'importe quoi, n'accepte pas ce combat. Voici venu le retour du roi. S'il te plaît, rappelle-toi de tous les récits des lois et des tribus de Tana. Ne fais pas n'importe quoi, n'accepte pas ce combat. Voici venu le retour du roi. Premier coup d'épée, le combat s'amorce. Deuxième coup évité, il a frôlé mon torse. Je crois que ce gamin a véritablement beaucoup de force. Je crois aussi naturellement que la situation se corse. Je dois garder mon calme, contrôler mon âme en direction de ce combat pour éviter le drame. Animer les flammes, retrouver les âmes qui ont fait de moi bien d'autres fois couler des larmes. Ça y est, la haine m'envahit, je ne suis plus le même. Tu vas subir petit l'assaut d'un nouveau stratagème. Du maître suprême, gardien des dolmens. De la tribu de Tana, je reste le même. S'il te plaît, rappelle-toi de tous les récits des lois et des tribus de Tana. Ne fais pas n'importe quoi, n'accepte pas ce combat. Voici venu le retour du roi. S'il te plaît, rappelle-toi de tous les récits des lois et des tribus de Tana. Ne fais pas n'importe quoi, n'accepte pas ce combat. Voici venu le retour du roi. C'est inacceptable. Tu as défié le roi sans penser à l'inévitable. La mort, c'est le qui va maintenant te frapper. La seule femme qui n'ait jamais quitté la lame de mon épée. Non, je ne veux pas de ta pitié, tu finiras au temple. De la soumission des guerriers, tu seras mon exemple. Exemple des jeunes fougueux qui brûlent les étapes, qui ne respectent pas les vieux et à la fin prennent des claques. Va-t'en maintenant, je ne veux plus te voir. Je ne ferai pas couler le sang, je veux garder l'espoir. L'espoir qu'un jeune âge fasse le premier pas. Pour le respect des lois, pour le respect du roi. S'il te plaît, rappelle-toi de tous les récits des lois et des tribus de Tana. Ne fais pas n'importe quoi, n'accepte pas ce combat. Voici venu le retour du roi. S'il te plaît, rappelle-toi de tous les récits des lois et des tribus de Tana. Ne fais pas n'importe quoi, n'accepte pas ce combat. Voici venu le retour du roi. N'accepte pas ce combat, voici venu le retour du roi. S'il te plaît, rappelle-toi de tous les récits des lois et des tribus de Tana. Ne fais pas n'importe quoi, n'accepte pas ce combat, voici venu le retour du roi. Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Alors de retour à Puissance Maximale, et oui, mesdames et messieurs, c'est le temps d'une nouvelle chronique Sécurité Informatique avec M. Pierre-Luc Pelletier. Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Puis là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pourrait intéresser les gens, effectivement. On va parler de toi un peu, si on veut. On va parler de carrière dans le domaine de la sécurité informatique. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ce que ça prend et vers où on peut se diriger pour atteindre ce but. Oui, exactement. Donc, on parlera pas nécessairement juste de moi, de mon parcours, heureusement. Ce serait peut-être un petit peu ennuyant. Mais non, on va couvrir donc toutes les facettes puis les domaines de la sécurité. Moi, dans mon cas, c'est plus ce que je fais, c'est plus de la consultation technique. Mais il y a toutes sortes d'autres facettes de la sécurité qu'on pense pas nécessairement. Il y a toute une dimension gestion à laquelle on pense pas nécessairement. Donc les grands décideurs qui vont prendre les grandes décisions pour une entreprise, pour ce qui a trait à la sécurité. Mais on a la partie plus technique, si on veut, par exemple, là, le bon vieux hacker, en fait, c'est un hacker qui va, donc va tester les failles ou essayer de trouver les failles pour une entreprise. Et là, il est bien sûr payé pour ça, là, et il va pas en prendre, il va pas en abuser, bien sûr. Là, c'est la différence entre un professionnel, ce que nous on appelle dans le jargon un pentester, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des tests de pénétration. Donc, sur un site web, par exemple, ou une application, peu importe, ou un système. Puis, de l'autre côté, on a le hacker qui, lui, ben, oui, il va faire les mêmes... il va chercher les mêmes failles, mais pour en abuser. Donc, c'est vraiment... c'est un monde où les connaissances qu'on a, nous, de notre côté, pourraient aussi servir pour plutôt le côté sombre, entre guillemets, où les hackers pourraient en profiter. Puis aussi, on a aussi le développement, en fait, aussi, qui est très technique, qui est donc des développeurs qui doivent développer de manière sécuritaire. Donc, c'est de plus en plus intégré dans les processus de programmation pour que, du début, les développeurs aient une conscience de la sécurité du produit, du résultat final. Et puis, donc, plutôt que d'essayer de patcher là, par la suite, là, comme c'est malheureusement souvent le cas, donc, on a beaucoup de patch après coup. On le voit même dans des cas de jeux où, justement, il y a des... En fait, les jeux sont envoyés, c'est vrai pour n'importe quel produit, hein. Donc, il est envoyé en magasin, puis c'est encore bourré de bugs, et puis on essaie de patcher, mais seulement ensuite. Donc, ça, c'est un peu déplorable, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Pour le côté technique, Pierre-Luc, est-ce que là, les gens doivent s'attendre à justement aller faire, comme là, on parle du Québec, là, bien évidemment, là, est-ce qu'il faut s'attendre à aller faire une technique informatique au cégep, et après ça, est-ce qu'on poursuit du côté universitaire obligatoirement pour ce genre de carrière-là, du côté technique surtout? C'est pas obligatoire. En fait, il y a vraiment comme deux façons d'y arriver. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait par exemple une technique en informatique, ben, pour revenir à mon cas à moi, moi j'ai fait une technique en informatique, puis la sécurité est arrivée après. Mais il y a des programmes spécialisés dans les universités, que ce soit des certificats. Il y a trois certificats au HEC. Donc à Montréal à ce moment-là, qui sont de la cyber enquête, donc plutôt aller chercher des preuves, comment aller porter des accusations, c'est plutôt judiciaire. Il y a la cyber fraude, donc aussi là qui est plus par rapport à par exemple tout ce qui est phishing, des fraudes en tout genre qui peut y avoir sur Internet. Puis il y a la cybersécurité des réseaux informatiques, c'est le nom du certificat, qui donc parle plutôt là au niveau technique. Donc on s'éloigne plus du judiciaire à ce moment-là. Puis donc c'est au niveau réseau, réseau pur. Là. Donc sécuriser firewall par exemple, c'est pas que ça bien sûr, mais des technologies de sécurité pour empêcher que quelqu'un rentre dans notre réseau. Quoi. Donc c'est ça finalement, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de... On n'ira pas vraiment vers des études si longues que ça après ça pour se spécialiser en côté informatique. C'est aussi une question d'expérience, là, j'imagine. Oui, exactement. Puis avec l'expérience, en fait, on peut aller chercher des capacités. En fait, on peut débloquer certaines certifications. Donc on peut aller faire des examens. Donc des formations bien sûr avant tout ça, et on passe donc un examen, puis après ça on est certifié par un organisme qui est reconnu. Donc par exemple on a le CEH qui est le Certified Ethical Hacker. Souvent c'est en anglais, hein, les certifications. Donc les cours se passent pas nécessairement en anglais, mais souvent les examens sont en anglais. Puis c'est des certifications, ouais, qui viennent soit des États-Unis, soit d'Angleterre. C'est pas mal les plus reconnus. Donc on a CEH, donc Certified Ethical Hacker, donc qui a été fait par le EC Council. C'est l'organisme qui gère tout ça. C'est une des certifications qu'ils donnent. Et là c'est très technique, mais effectivement ça prend 2 ans d'expérience en sécurité. Donc il faut déjà avoir joué un peu soit avec des firewalls ou avec de l'antivirus ou des trucs comme ça. Et puis sinon il y a des certifications aussi donc moins techniques, plus qui poussent plus vers la gestion. Et là on a CISSP, donc Certified Information System Security, Professional, donc CISSP. Donc lui, il demande 5 ans d'expérience en sécurité aussi. C'est le même principe, mais il va amener vers plus des connaissances générales dans toutes les facettes pour pouvoir être un bon décideur en sécurité. Justement, ça m'amène à une autre question. Là, pour devenir justement gestionnaire, si on veut, dans le domaine de la sécurité informatique ou même, là, dans ton cas, là, consultant, parce que là, on va offrir des solutions de sécurité à différentes entreprises. Est-ce qu'il faut justement avoir fait beaucoup, beaucoup de techniques avant? Est-ce qu'il a voulu être sur le terrain bien, bien longtemps comme technicien avant de devenir gestionnaire? Là, tu nous parlais d'une certification qui peut aller jusqu'à 5 ans d'expérience, mais du côté consultation, là, est-ce qu'il faut s'attendre au même genre d'expérience qui va être demandé à ce niveau-là? C'est un gros plus parce qu'on va comprendre ce que les gens en fait nous expliquent. Donc, faut vraiment comprendre la technique derrière pour pouvoir prendre les décisions qui vont bien. Mais c'est ça. Donc, le hacker, lui, va être purement technique. Et puis, si on oublie la partie technique, c'est sûr qu'il n'y a pas que ça, mais ça y est pour beaucoup. Il faut idéalement arriver de soit avec un bagage technique ou avoir travaillé de son côté pour connaître les concepts de base de failles, donc d'attaque, connaître bien son système Windows par exemple, donc les forces, les faiblesses, tout ça, les changements en termes de sécurité que pourrait induire un changement de configuration quelconque qui aurait pas vraiment attrait à la sécurité au premier abord, mais c'est aussi une décision de sécurité parce qu'il y a toujours des impacts, que ce soit, dans la connectivité, par exemple, des différents systèmes. Donc, si on permet plus, nécessairement, on ouvre plus de portes. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Ça fait partie du bagage qu'il faut avoir. Parce que c'est ça, quelqu'un peut pas arriver de l'école, avoir un bagage purement théorique là, en gestion, puis se présenter finalement dans une entreprise, puis espérer vraiment avoir les outils en main pour être efficace. Là. C'est-à-dire qu'il y a des facettes qui ne sont pas techniques. Donc, une personne pourrait plus se concentrer sur ces facettes-là. Donc, il pourrait se faire placer sur une gestion, par exemple, des processus de sécurité. Donc, comment on réagit, par exemple, à telle ou telle situation, donc type d'attaque ou des catastrophes ou des pannes ou des trucs comme ça. Ça, c'est un peu moins technique, mais ça peut servir de plateforme ensuite pour aller chercher l'expérience qu'il faut, puis baigner dans le milieu. C'est toujours une question de baigner dans le milieu, en parler avec les gens qui connaissent ça. C'est comme ça qu'on apprend, puis qu'on voit ce qui se fait ailleurs aussi. Moi, c'est sûr que j'ai la chance en étant en mode consultation, de voir plusieurs entreprises en très peu de temps. Donc, je peux comparer, mais c'est pas toujours le cas puisque quand on a resté par exemple 3 ans ou 5 ans dans la même entreprise, nécessairement on connaît que ça ou on connaît très peu de ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est intéressant de justement faire du réseautage. Il y a toutes sortes de façons de le faire, que ce soit sur Internet, par des forums. Il y a toutes sortes de bonnes sources d'informations. Par exemple, je pense au SANS, c'est le SANS.org, qui est toujours en anglais, bien sûr. C'est un organisme indépendant qui offre aussi des certifications en sécurité, des cours, tout ça. Mais qui est aussi en fait le site web qui est ils ont une partie de leur site web, ça s'appelle le Internet Storm Center. Donc tout ce qui arrive en termes de vulnérabilité, tout ça, c'est sous forme de blog. Donc ils nous informent comme ça sur les meilleures pratiques, tout ça. Donc c'est vraiment une question de toujours baigner là-dedans. Puis faut savoir aussi que c'est beaucoup de travail parce que ça change tout le temps. Donc d'année en année, il y a un focus différent. Il y a des événements qui peuvent arriver sur Internet qui peuvent changer la perspective sur la sécurité. Là, ces temps-ci, le dernier changement, si on veut, c'est ce qu'ils appellent le Bring Your Own Device. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une sécurité du périmètre très très statique, ben là on a des smartphones d'entreprise, on a des données dans le cloud, donc tout est mobile. Donc la mobilité de l'information, c'est vraiment le challenge là aujourd'hui. Puis c'est là-dessus que tout le monde focus. Mais ça va, l'année prochaine, ce sera probablement autre chose. On peut pas prévoir, mais c'est ça qui est intéressant. Donc on est toujours un peu à s'adapter aux nouvelles technologies. Dans le temps, c'était le Web 2.0 qui nous faisait un peu perdre le contrôle. C'est vraiment intéressant pour ça. Si vous voulez pas vous ennuyer dans un travail qui est toujours le même d'année en année. La sécurité, c'est sûr que... Ben, c'est vrai que l'informatique, c'est vrai aussi, mais la sécurité, je pense que c'est encore plus vrai. Ça bouge encore plus vite de ce côté-là. On essaie de tenir le rythme de la technologie, puis c'est pas toujours facile. Bref, c'est ça, il faut se tenir à jour constamment à ce niveau-là. Écoute, c'est déjà la fin de cette chronique, M. Pelletier, mais en gros, là, si on résume ça, finalement, on a quelques... En ce qu'au HEC, au Québec, on a quand même quelques certificats qui sont disponibles au niveau des fraudes, entre autres, et tu peux nous rappeler peut-être les deux autres certificats rapidement. Ouais, donc cyberfraude, cyberenquête et on a cybersécurité des réseaux. Donc ça c'est au HEC. Juste pour ajouter aussi qu'il y a des concentrations au certificat informatique, par exemple à l'Université Laval. Donc certificat en informatique, concentration Internet et sécurité. On a le bac informatique aussi qui a une concentration sécurité. Puis il y a génie logiciel aussi qui est un bac à l'Université Laval toujours. Donc, avec concentration, sécurité et fiabilité des logiciels. Donc, il y a vraiment de quoi faire. On attend toujours le bac en sécurité informatique. Je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais il y a toujours moyen de passer les fameuses certifications privées là, dont je parlais, CEH, CSSP, tout ça. Il y en a une myriade. Vous ferez vos recherches sur Internet si ça vous intéresse. Ou vous pouvez toujours me contacter, venir me poser des questions sur mon site web sécurité101.com. Je suis disponible pour des questions. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez me joindre. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir fait cette chronique pour nous à Puissance Maximale. Toujours un plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir. Merci et de retour, on continue en musique, mesdames et messieurs. Et oui, de retour à puissance maximale après la chronique de M. Pierre-Luc Pelletier qui nous a parlé finalement formation dans le domaine de la sécurité informatique. Et on a entendu également la chanson Can You Dig It qui est tirée de la trame sonore originale du film Iron Man 3 dont on va vous parler maintenant. Et oui, on est allé voir ça hier, moi et M. Castegan, comme ça, tout bonnement, là, on le sait qu'on allait voir quand même un film qui a starté assez fort au cinéma, des grosses recettes. Et là, Iron Man 3, écoutez, disons que les attentes étaient très hautes, parce qu'on se rappellera que le 2 avait été assez ordinaire. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport au 2, parce que le 1 avait été quand même un très bon film de super-héros, disons-le, découverte de Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark et en tant que Tony, il a tout plein. Exactement. Il fait le film à lui tout seul. Et là, dans le 3, finalement, on se retrouve, on va retrouver, là, on a entendu parler, tout le monde le sait, le mandarin qui est un peu l'ennemi juré dans les BD, dans certaines versions des BD d'Iron Man. Et là, finalement, on va se retrouver dans un film où, un peu, dans les critiques que j'ai entendues, entre autres, là, on est allé voir le film avec M. Julien Materne, notre expert en comic book. Et une petite critique qui est ressortie, puis c'est vrai un peu, là, on a un peu, en même temps, ça a été, pour beaucoup de critiques, encensé aussi, si on est vers un Tony Stark plus humain, finalement, on le voit dans ses faiblesses, finalement, là, un peu dans ses démons, parce que on sait qu'il était, dans le premier film, plus alcoolo un peu, là, on en parle un peu, très sur la fête, et là, ça se passe évidemment après les événements de New York qui se sont passés dans le film Avenger, puis là, on a un Tony Stark qui est un peu... On le découvre un peu ébranlé face à ces événements-là. Donc, c'est un bon film de super-héros. Écoutez, c'est pas le film de l'année, mais ça vaut la peine d'aller voir au cinéma, je trouve. Ça vaut la peine de payer le 12$ pour le billet, parce que le film, en tant que tel, moi, j'ai trouvé l'action, le scénario était bon, l'action bien balancée. Il y a des gens, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, il y a du monde qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de Iron Man et un peu trop de Tony Stark. C'est souvent ça, hein, qu'on a le genre de personnage dans les films de super-héros, ils ont la double identité. Des fois, on a eu un peu le même genre de... Comment je pourrais dire ça, de critique pour Batman dans le dernier Batman. C'est ça, il y a une similitude par rapport à ça, justement, dans la recherche du personnage avec ses démons et tout. Puis là, tu sais, un peu reprendre confiance en lui. Bon, on a un peu cette quête-là qui se retrouve dans Iron Man 3, qui est un peu parallèle. On peut faire le parallèle avec le dernier film de la dernière trilogie de Batman. Mais c'est pas mal ça, parce que là, il n'y a pas de ville qui prend en otage. Le mandarin dans le film est un terroriste qui veut servir une leçon aux Américains. C'est un peu classique, là, vous allez dire. Mais c'est quand même bien apporté dans le film. En tout cas, selon moi, là, je trouve que le scénario tenait bien la route. Je sais pas pour toi, Andrew. Oui. Non, c'est tout, toi. Tu veux pas développer... Non, ben en fait, je suis pas un grand, grand connaisseur de Iron Man, là, mais... On parle du film que tu as vu hier. Pas obligé de comparer à tout l'univers d'Iron Man. Ah, faut pas que je compare. En fait, je dirais que je trouvais que l'histoire était bien montée. Je trouvais que l'humour était peut-être un peu plus présent dans le troisième, mais tu sais, c'était pas trop. C'est vrai, on a bien ri, c'est bien dosé. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que t'es comme le 1 où il y avait ses bouts drôles, mais t'es, ça restait t'es les erreurs de Tony Stark qui commençaient construire son armure, mais t'es, ça restait quand même sur une trame assez... assez sombre, tandis que là, le 2, c'était action, action, action, action, action, action, action, action, puis avec un personnage vilain, plus ou moins charismatique. Ouais, il y avait un oiseau. Mais il y avait un perroquet. Tandis que le 3, il y a des bouts qui sont rough quand même, là, on le mentira pas, mais ça reste... un peu une ambiance vraiment film super-héros. Là, oui, il y a cette ambiance-là, je trouve, qu'on avait un peu dans Avengers, justement. Là. On est quand même là-dedans. C'est ça, il est resté sa même veine, un peu. Cette recette-là, Avengers, c'est un excellent film de super-héros. J'avais beaucoup accroché, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, c'est un peu cette saveur-là qu'on va retrouver chez Iron Man 3. Oui, effectivement, t'as bien raison, l'humour bien dosé. Juste le début du film. I'm blue, but to people. Ouais, vous allez voir quand ça va commencer le film, parce qu'on est habitué avec le Tony Stark des deux premiers films. Vous allez voir que ça change un petit peu au début. J'ai beaucoup rigolé dès le début du film à cause de ça. On retrouve, il y a comme un petit flashback au début du film, vous allez comprendre pourquoi. J'en dis pas plus, là. Yandrew, il a un peu vendu la mèche, là, mais bref, allez au cinéma, allez voir ça. Nous autres, on le voit en 2D, par exemple, en français, parce que là, c'est de plus en plus difficile à Québec d'avoir des films en version originale. En fait, d'après ce que j'ai vu, c'est au IMAX. Sinon, le jeudi, dans les Cinéplex Odéon, il y a une représentation à 7h de la version originale. Mais c'est ça, c'est une représentation dans la semaine. Là. Ça commence à être... Comme là, nous autres, on pourrait pas y aller aujourd'hui parce qu'on finit puissance maximale à 19h. Donc, on pourrait pas se rendre à temps pour aller voir le film. Donc, c'est un peu tannant. Ça, c'est toujours un problème qu'on a à Québec. Je dis pas que... Il faut pas faire de place aux films doublés. Bien évidemment, il y a des gens qui ont besoin et qui aiment ça, tout simplement, parce que les doublages, le doublage était très bien quand même. Moi, j'ai pas été dérangé du tout par le doublage. Non, c'était bien. Très bien réalisé. À ce niveau-là, c'est pas un problème. Donc, nous, on l'a vu, c'est ça, en version doublée français, en 2D. C'est pas pour me déplaire, parce que le 3D, souvent, je trouve que l'expérience... la dernière fois que j'ai vu un film live en 3D, c'est Le Hobbit. J'avais pas haï ça, mais quand même, je préfère le voir en 2D. Ben, c'est à cause que 2h30 de film avec des lunettes d'en face. C'est ça. Ça enlève un petit peu du confort et du plaisir d'être au cinéma. Mais bon. Donc, on l'a vu en 2D. Écoutez, super effets spéciaux. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, il faut rester jusqu'à la fin parce que c'est un film de Marvel. Je vous en dis pas plus. Et on reste à la fin, on écoute le générique et on voit la liste des gens qui ont travaillé sur les effets spéciaux. C'est assez impressionnant. Mais bref. Et j'ai trouvé le grec. Oui, parce que moi, j'ai un jeu que j'ai, c'est de trouver le grec, la personne d'origine grecque, donc qui a un nom d'origine grecque, en tout cas dans le générique de fin de tous les films que je vais voir au cinéma. Et Andrew l'a découvert hier. Merci, Andrew, parce que je fournissais pas. Là, je t'avais dit que j'allais en faire mention à l'émission. C'est fait. Excellent. Donc, voilà, Iron Man 3, écoutez, un bon film de super-héros qui unit bien quand même des scènes d'action efficaces, disons. Et un scénario quand même assez complet. Comme je l'ai dit, c'est pas le film de l'année, mais pour tous les amateurs d'Iron Man, ceux qui ont aimé le premier film, allez voir ça. Les amateurs de super-héros, allez voir ça. Ça vaut la peine, moi, personnellement, je donnerais un bon 8 sur 10. Je seconde. Donc voilà, c'était notre petite critique comme ça d'Iron Man 3. On fait une petite volée en nouvelles avant d'aller en musique rapidement? Ben certainement, parce que c'était rapide. Puis là, on a quelques nouvelles assez intéressantes côté ludique, et dont une qui s'appelle Wolfenstein Nouvelle Génération. Et en fait, c'est The New Order. The New Order, ça s'en vient avec les studios que moi et Andrew on aime beaucoup, la gang de Bethesda. Exactement. Donc, le jeu a été annoncé, mesdames et messieurs, pour le quatrième trimestre 2013. Et en fait, on voit un Wolfenstein, d'après les images, qui semble avoir été inspiré par un film que Michael a déjà écouté, qui s'appelle Iron Sky. Donc, pour expliquer aux gens c'est quoi Iron Sky dans le concept du film, c'est que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis qui avaient trouvé une façon de voyager dans l'espace, et ils se sauvent sur la face cachée de la Lune et ils fondent une colonie nazie là-bas. Oui, c'est complètement stupide, c'est très, très, très drôle. Ben, c'est drôle, c'est principalement une comédie, ce film-là, une comédie d'action. C'est quand même assez drôle. Donc, évidemment, on a des nazis qui allient la technologie avancée, mais quand même avec une esthétique de ces années-là. Donc, c'est vraiment des nazis dans l'espace et ils sont allés chercher cette esthétique-là pour le jeu. Donc, ici, en fait, on parle d'un jeu qui est inspiré surtout sous l'aspect technologie. Donc, ici, on a des nazis avec des mechas et des grosses armures cybernétiques avec des guns qui font des piou-piou et des affaires de même. Fait que ça risque d'être, ma foi, intéressant. Oui, et on se rappelle de Wolfenstein qui était quand même dans les premiers first-person shooters à l'époque. Ben, même les autres qui ont sorti par la suite, ça n'a jamais été des mauvais jeux. Ouais. Ça a jamais. Les derniers ont jamais impressionné, mais ils étaient pas mauvais. On pouvait pas leur enlever ça. Mais là, c'est Bethesda qui sent les mains. Là. Ça peut pas être mauvais. Ben, c'est ça. C'est pas vrai. Là. Il me semble que. Ben, en fait, c'est le développeur, c'est Machine Studios, qui est un sous-studio de Bethesda. Mais Bethesda va avoir un droit de regard là-dessus. Là, fait qu'on va voir. On va se croiser les doigts puis on va espérer. Exactement. Sinon, deux autres petites nouvelles rapides. Nintendo ne fera pas de grosse conférence au E3. Et oui, mesdames et messieurs, on a appris ça cette semaine que Nintendo allait skipper la conférence. Ils vont être présents au E3, sauf qu'ils ne feront pas de grosses présentations comme on a connu dans les dernières années. Ça va nous en faire une de moins à couvrir, Andrew, cette année. Mais je suis un peu déçu. Ben, écoute, dans les critiques qu'on entend récemment là, à propos de Nintendo, c'est que là, depuis que la Wii U est sortie, des annonces puis des grosses sorties, ben, il n'y en a pas. On on attend toujours. Puis là, tu sais, il y a des grosses annonces qui s'en viennent au E3, là, la PlayStation 4, on a entendu parler, mais là, j'imagine, j'espère qu'il va y avoir plus de détails au E3. Puis là, la prochaine console de Microsoft aussi qui s'en vient, puis eux vont laisser le champ libre. Je trouve ça un peu dangereux, moi. Mais en fait, déjà au départ, la Xbox 3, on serait supposé d'avoir des infos ce mois-ci, oui. Le 21 mai, si je me trompe pas, 21-23, bref, dans ce coin-là. Puis là, c'est ça, le E3, ça va être l'année des nouvelles consoles. Nintendo a pris un peu le devant l'année passée. Mais là, comme juste faire, ah oh, non, nous autres, on va avoir notre kiosque, on va faire des petites présentations, là, mais pas de conférences comme les autres, c'est comme, mais c'est soit qu'ils sont vraiment très confiants de leur line-up pour 2013, ou soit qu'ils font, man, on n'a rien, on n'a rien. Ça se peut, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'annonce, mais de toute façon, en même temps, Nintendo, on le dit depuis longtemps là, que c'est la compagnie des casual gamers, des familles, puis tu sais, les casual gamers, puis les familles, le E3. Les annonces, ils suivent pas beaucoup, beaucoup ça. Ils vont arriver, puis quand ils vont voir la date de sortie, ils vont aller l'acheter quand ça va sortir, that's it. C'est peut-être qu'ils auront réalisé que les coûts, parce que ça doit quand même leur coûter quand même pas mal de bidou faire des annonces, des conférences comme ça au E3, c'était peut-être aussi rentable qu'ils pensaient, peut-être économiser à ce niveau-là. On sait pas, mais effectivement, ça reste quand même un choix discutable de la part de Nintendo de s'absenter des grosses conférences du E3 dès cette année. Autre nouvelle, M. Castigan. Dragon Age 3 Incursion va être présenté au E3 cette année. Ça a été confirmé. Donc, on devrait avoir trailer, images et éléments de gameplay. Oui, parce qu'on se rappelle quand même que Dragon Age Origin, majeur, titre majeur dans le role-playing game des dernières années, développé par BioWare. Écoutez, c'était, moi, j'ai adoré Dragon Age Origin. Quand le 2 est sorti, par exemple, beaucoup de critiques. Beaucoup de linéarité au niveau du scénario. Beaucoup de monde disait qu'il avait été pensé pour une console avant le PC. Effectivement. Puis en plus, en tout cas, c'est ça. Une histoire qui est assez linéaire. Le personnage, on n'a pas exact. On n'a pas autant de choix que dans le premier. Ça fait qu'on a. Ça enlève un peu du côté, justement. On crée vraiment notre personnage. Ça nous dépossède un peu de. On est moins dedans quand c'est pas un personnage qu'on peut créer de toute pièce. Moins le fun un peu. Donc, en tout cas, bref, il y a eu beaucoup de critiques. Là, c'est que là, il y a beaucoup de monde qui attendent le troisième titre de la franchise Dragon Age. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient parce que le 2, j'avais quand même aimé. Moins que le premier, c'est sûr, mais j'avais quand même aimé le 2 parce qu'il était vraiment beau, un beau jeu. Ça avait de la gueule pour les combats et tout. Une histoire quand même assez intéressante, mais quand même. Mettons qu'on ne peut pas rejouer des heures et des. On ne peut pas rejouer des beaucoup de fois là, à ce jeu-là. Avoir testé les différents personnages. Donc, on a bien hâte que ça sorte. Pas d'autres détails sur cette annonce-là. Donc, on verra bien au E3 cet été. Sinon, les deux dernières nouvelles. La première. Oh, il y en a plein. C'est l'enfer. En fait, une petite nouvelle que moi, personnellement, je suis bien content. La compagnie Precursor Games, initiateur du projet Shadow of the Eternals, qui est la suite spirituelle de Eternal Darkness, jeu au GameCube que moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai déjà fait une critique, d'ailleurs, de ce jeu-là ici. Precursor Games a acheté des droits qui leur manquaient à Eternal Darkness pour faire suite à leur projet. Donc, on devrait avoir plus de nouvelles sur ce jeu-là pendant le E3 de cette année. Et ça va être un jeu qui va rouler sur le CryEngine 3. Donc, ça risque d'être quand même très prometteur pour un jeu de sanité mentale Lovecraftien. Il va être beau et dérangeant à la fois. Et dernière nouvelle avant de passer à la musique, M. Castigan. Oui, jeu qui a eu une légère déception. On n'a pas eu l'occasion de le tester. Je ne prévois pas le tester, mais un jeu que j'avais déjà parlé, Aliens Colonial Marines. Ouais. Qui était le jeu d'Alien qui semblait être tout plein hot édité par Sega, mais que finalement il est pas bon. Ben, on rapporte ce qu'il dit, là, on l'a pas testé, mais il paraît qu'il est pas bon. L'unanimité dit qu'il est pas bon. Mais je vous annonce que les développeurs, et je vous parle pas de du les développeurs, donc on parle de l'équipe, a été licencié. Oh, au complet. Oui, Sega n'était pas très content de la chose et TimeGate non plus. Déjà qu'en plus, TimeGate, qui est comme le sous-studio de Sega qui a fait le jeu, ben ça leur a causé la faillite. Oh, ben ça explique. Fait que, ça explique bien des choses. Fait que Sega ne sont pas très contents. Voilà, oui, il faut, oui, en tout cas. malheureusement, les résultats financiers guident bien des décisions au niveau de l'industrie du jeu vidéo. On a remarqué que c'est un peu partout comme ça, mais bon. Après cette triste nouvelle, M. Castegan, nous irons en musique. Oui, avec Bibi Fock. Et oui, on y va vers un succès souvenir de la série Bibi Fock que j'écoutais moi-même à Canal Famille. Je ne sais pas si tu écoutais ça, Andrew. Je connais la chanson thème, mais je crois que j'étais un petit peu trop jeune pour me rappeler du contenu de cette émission. Ben, mesdames et messieurs, ben, en gros, ça, il y avait un phoque, un Blanchon. Non, pas vrai. C'est comme le pendant Lassie, ben Blanchon. Il aidait les jeunes à faire ouais, des enquêtes. Ouais, il y a des jeunes en skidoo sur la banquise. Bon, pas juste la banquise. Il se promenait partout dans le monde, cette phoque-là. Mais bref, vous allez entendre le thème de l'émission Bibi Fock. Et non, oui, dans, mesdames dans et messieurs. Dans le générique, il faisait du skidoo sur la banquise. Oui, tout à fait. Et vous entendez ça, ou, mesdames et messieurs, ou vous pouvez entendre d'excellentes chansons comme ça, mais c'est à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. C'est mon ami, Bibi. Quel beau Bibi Fock. Il est super gentil, comme un bébé Fock. Et quand j'ai besoin de lui, j'appelle Bibi Fock. Et si son Bibi fait bop, il fonce droit dans la vie. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Dans l'Antarctique, fais droit des phoques. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Ton amitié comme le roc. Il est super branché, pour lui rien d'impossible. C'est un vrai passionné qui veut l'inaccessible. Dans l'univers classé, pays des Esquimaux, grâce à notre amitié, son cœur est bien au chaud. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Ton amitié dure comme le roc. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Ton amitié dure comme le roc. Quand on m'appelle Bibi, il est toujours là. En glissant dans la vie, il fonce vers toi. Dans le bleu des glaciers, il nous fait tous rêver. À la chasse aux méchants, il est toujours gagnant. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Ton amitié dure comme le roc. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Fock. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute puissance maximale. Je me rappelais pas que la version de Bibi Fock que j'avais était aussi longue, premièrement, et deuxièmement, qu'elle coupait aussi vite. Et oui, mesdames et messieurs, vous avez eu la chance d'entendre le thème de l'émission Bibi Fock à puissance maximale. Là, spécifie que c'est vraiment le MP3 pour pas que le monde pense que j'ai coupé la toune. Non, c'est effectivement le MP3 qui était comme ça. C'est quand même assez difficile de trouver des thèmes d'émission. Ça fait longtemps que j'ai ça dans mes disques durs à l'époque où il y avait le très excellent site des disciples de Nabucodonosor, roi de Babylone. Ça date de très longtemps. Il y avait une excellente banque comme ça d'émissions et de génériques d'émissions. Ben, c'est jeunesse. Comme coucoucircus.org avant qu'ils deviennent payants. Là. Ouais, voilà, c'est un excellent. Alors, ça, c'est un bon site de, justement de. On va faire du karaoké avec nos émissions jeunesse, mais maintenant c'est rendu payant. Et monsieur Castegan, on y va avec une critique de jeu plateau qui s'appelle d'un jeu qui s'appelle X-Wing Miniature Game, finalement un jeu de combat de vaisseaux spatiaux dans l'univers de Star Wars. Oui, en fait, jeu que j'ai eu l'occasion de jouer une partie, mesdames et messieurs, avec notre ami Julien Materne qui a fait l'acquisition du jeu. Premièrement, on parle d'un jeu édité par Fantasy Flight Game, jeu d'une valeur de $40 qui vient avec tout le nécessaire pour jouer. Donc on parle d'un set de dés, les règles du jeu et des règles aussi pour les distances, pour les déplacements et les attaques, 2 TIE Fighter et 1 X-Wing. Quand même, 40$, c'est beaucoup de bidou pour le matériel qu'il y a dedans. Même que je l'ai pas vu, le matériel, là, mais... Ben, je vous dirais, les figurines sont quand même de très bonne qualité. Là. Puis, là, t'sais, les règles, les cartes, ça, c'est quand même un bon carton. T'sais, c'est pas... cheapette. Non, c'est pas cheapette. Okay? Non, c'est le jeu peut endosser un petit dégât d'eau dessus et il brisera pas, pour vous donner une idée. Hein. Quand même. Fait que, donc, dans le fond, on parle d'un jeu un peu stratégique. Le principe est fort simple, c'est que dans le fond, un prend les rebelles, donc le X-Wing, et l'autre prend l'Empire, qui est dans le fond les 2 TIE Fighters. Il faut dire que théoriquement, ces vaisseaux-là, les TIE Fighters sont moins forts que les X-Wing, parce qu'ils n'ont pas de bouclier. De bouclier, voilà. Donc, c'est pourquoi qu'il y en a deux. Ça, par contre, les TIE Fighters sont plus rapides, plus agiles, et ont plus de manœuvres d'esquive que le X-Wing. Moi, dans mon cas, j'ai joué le X-Wing, et je vous dirais qu'effectivement, ils sont quand même très forts. Mais au niveau du TIE Fighter, ben faut dire aussi que Julien avait certaines règles qu'il avait pas compris, fait que Buffy les jouait à fond. Mais en même temps, c'est pas qu'on les avait pas compris, c'est que il y a comme le livre de règles et le livre de règles référence rapide. Et le livre référence rapide fait aucunement référence aux facultés spéciales des TIE Fighters. Fait que c'est comme si tu joues avec les règles rapides, faut prendre le temps de lire les règles au complet. C'est ça, mais t'es les règles rapides, c'est bien si tu veux jouer rapidement, mais en même temps. C'est comme dire « Ah, je vais jouer avec des clous dans mes mains. » T'es pour être sûr que j'ai pas un avantage contre toi. T'es, c'est... Bref, tout ça pour dire que t'es, c'était... Oui, c'est une J'essaie de comprendre ton image de clous dans les mains. T'essaieras de déplacer des pièces de vaisseau quand t'as des clous dans les mains. La bouche, man. Voilà. C'est des lèvres cousues. Des... Ah, qui est belle. Donc, OK. Non, réponds pas ta troisième jambe. Est-ce que les règles, c'est très compliqué? Ou... Parce que là, on parle oui, avec, non. Avec le truc rapide, on n'a pas tout, mais est-ce que c'est si compliqué que ça? Ben, non, c'est pas si compliqué que ça. Faut dire aussi, en même temps, j'ai pas joué avec... parce qu'on peut avoir des améliorations sur les vaisseaux, puis des choses comme ça qu'on peut jouer, mais ça, on l'a pas fait. On a joué vraiment le jeu... De base. Puis en fait, le principe, c'est qu'on a comme une roulette, dans le fond, une genre de petite roulette qu'on tourne, puis on a toutes les actions possibles que notre vaisseau peut faire. Donc, au début d'un tour, on choisit l'action qu'on veut faire avec le vaisseau et on met ça face cachée à côté du vaisseau, dans le fond, qu'on veut déplacer avec ce mouvement-là. Après ça, suite à ça, en même temps, on tourne les compteurs pour... Ben, pas en même temps, excusez. En ordre, à cause les vaisseaux, en fait, c'est on choisit le pilote qu'il y a dedans. Et ça fait en sorte que le pilote qui est dedans va augmenter son niveau d'expertise, qui va faire en sorte qu'il va jouer avant ou après. Donc, ça fait en sorte qu'on joue dans cet ordre-là et on fait les actions de mouvement qu'on a mis. Donc, les règles que je parlais, dans le fond, c'est des bouts de carton qu'on met à l'avant du vaisseau qui déterminent où est-ce que notre vaisseau va atterrir. Parce que là, c'est toute une question de manœuvrabilité et de déplacement dans l'espace. En fait, ça serait intéressant d'avoir ce genre de truc-là quand on joue à Star Wars, au jeu de rôle, parce que moi, à l'époque, quand je jouais, on faisait jamais de combat dans l'espace parce que c'était toujours trop compliqué. On pourrait peut-être se servir de ce système-là, finalement. Effectivement. Et dans le fond, par la suite, qu'est-ce qui arrivait une fois qu'on s'est déplacé? C'est que sur la figurine, on a un petit carton qu'on met sur le pied qui représente, dans le fond, le pilote. Donc, on a toutes les statistiques du pilote et du vaisseau à cause du pilote. Parce que si, même beau que t'as le meilleur vaisseau de la planète, si t'es un mauvais pilote, ben ça sert pas à grand-chose. Fait qu'on le pilote, est-ce que tu le piges au début? Oui. OK. Ben, en fait, tu le sélectionnes, mais il faut que tu sois conscient. Dans le fond, c'est que le pilote rajoute un thread factor. Puis il faut que les deux équipes soient balancées en fonction de ça. Fait que t'es dans le fond, mettons que ton X-Wing il a un threat factor de 15, mais il faut que l'autre avec ses deux TIE Fighters réussisse à égaler ton 15. C'est un peu leur façon de dire que la partie est balancée. Donc c'est comme ça qu'on peut arranger ça. Et ça fait en sorte que sur ce fameux petit carton-là, il y a un genre de petit V qui signifie la portée, pas la portée, mais la vue pour pouvoir tirer. Et là, après ça, il y a une autre règle qui permet de voir si on n'a pas des obstacles et si la personne est réellement à portée de tir. Et en fonction de la distance, ça détermine les bonus, les pénalités et les dés qu'on peut lancer. Est-ce que c'est quand même assez long calculer tout ça? Est-ce que ça fait des parties plus laborieuses un peu? on passe plus de temps à calculer que... Non, nous autres, dans le fond, on a été un petit peu plus long parce que c'était la première partie, fait qu'on a regardé les règles. Mais en moyenne, c'est à peu près 20 minutes. Pour une partie. Pour une partie. Mais là, tu nous parles d'une partie de base avec deux TIE Fighters puis un X-Wing, mais là, je pense qu'on peut aller s'acheter d'autres figurines. Oui, en fait, ça, c'est le jeu de base. Donc, première des choses, vous pouvez soit jouer en équipe, dans le fond, 4 joueurs, 2 par 2, que chacun vous séparez l'escouade en 2 joueurs, ou vous jouez vraiment 1 contre 1, ce qui, à mon opinion, est l'idéal. On parle de 2 à 4 joueurs, finalement. Exactement. Même, on peut pas y aller à 3, genre 2 qui font une équipe, puis 1. Oui, mais en fait, le jeu a été conçu à la base pour 2 joueurs. Okay. C'est juste qu'on peut... se splitter l'escouade. C'est ça, exactement. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut aller acheter des expansion packs qui permettent, dans le fond, rajouter des vaisseaux. Je vous dirais que il faut rajouter des vaisseaux parce que je vous dirais que un X-Wing puis 2 TIE Fighters, on fait vite le tour. On s'entend? Ouais, puis j'imagine que quand on a une grosse armada, là, ça devient intéressant côté tactique. Là. Oui, ben parce qu'il faut prendre en compte les collisions, ces genres d'affaires-là, parce que si tu calcules mal ton mouvement, parce que tu peux pas prendre la règle puis dire est-ce que je me rends avec ça? Tu peux pas faire ça. Faut vraiment que tu le guesses. Oh, ok. Il y a des astéroïdes des fois que tu peux mettre puis des choses comme ça. Puis ça a un impact sur le jeu. Fait que, c'est plus de vaisseaux, ben ça va faire un challenge plus grand. Donc, on peut aller acheter au vaisseau plus. Sauf que ça, je vous dirais, c'est la petite bémol, un peu, je trouve, de ce jeu-là. Parce qu'on parlait d'un jeu quand même à 40$ pour 3 vaisseaux, puis le kit de base, c'est quand même assez cher. Mais là... Admettons, exemple, là. Puis vous dites, j'ai 2 TIE Fighters et un X-Wing. J'aimerais ça peut-être rajouter un TIE Fighter et un X-Wing. Un peu comme qu'est-ce que Julien a fait. Dans le fond, on va avoir 2 X-Wing et 3 TIE Fighters. Faut vous considérer que un X-Wing, c'est 14,95. Quand même, c'est-tu bien gros? C'est-tu bien gros? Pas de temps, non. Leno me mime ça, là. C'est plus difficile à la radio. Non, là. Ben. C'est quoi, c'est à peu près un 2 pouces de long? 2 pouces et demi de long, à peu près. À peu près. Je dis ça de mémoire, là. Mais c'est pas si gros que ça. Là. Mais tu sais, il y a quand même des détails, ces figurines. Là. T'sais, j'enlève pas la qualité de la machine. Ben, pas de la machine, mais des pièces. Mais quand même, 15$, c'est cher. Pour un vaisseau, ouais. Je suis comme... On va se faire des grosses armadas, ça commence à coûter cher. Et pour le TIE Fighter, on parle aussi de 15$. Pour un TIE Fighter. Mais en fait, c'est pas même compliqué. Tout ce qui est petit vaisseau, donc dans le fond, dans la catégorie des TIE Fighters, des chasseurs, puis des Y-Wing, les TIE Advance, toutes ces affaires-là, c'est 15$. Mais il existe aussi des vaisseaux plus gros, comme exemple le Falcon Millennium, que lui, il est 30$ pour un vaisseau. OK, quand même. Je sais pas la grosseur, par exemple. Mais là, ces vaisseaux-là, ils viennent seuls. À part, ils viennent tout seuls, il n'y a pas d'ajout au jeu. Non, juste le vaisseau. Mais aussi les petites cartes de pilote là, qui sont associées au vaisseau. Là. Mais tu sais, c'est juste ça. Quand même, c'est vraiment être cher hein, pour jouer, pour avoir une expérience de jeu complète. Mais ben, tu sais, c'est d'où pourquoi que j'ai comme l'impression que ce jeu-là, c'est un peu comme un investissement à deux. Parce que tu sais, on s'entend-tu, comme exemple, Julien s'est acheté le jeu. Donc, il a dépensé à date, si on fait le calcul, approximativement 50$, même un peu plus à cause des taxes. Et j'ai pas calculé la science infuse du prix, là. Mais tu sais, c'est quand même un bon investissement pour 5 vaisseaux. Donc, tu sais, c'est quand même pas mal. Mais tu sais, plus que ça joue normalement à 2, j'ai comme l'impression que c'est plus planifié pour que un achète le jeu de base, puis tu sais, qu'un décide, ah, moi je vais prendre vraiment l'Empire, puis je vais me spécialiser là-dedans, puis l'autre, ah, moi je vais prendre les rebelles, puis chacun de leur côté, ils s'achètent leur vaisseau pour jouer ensemble. Mais tu sais, qu'il y a eu un investissement par une personne pour le coup, tu te splits à deux, hein, tu sais, c'est toi qui décides, là. Mais j'ai comme l'impression que c'est plus planifié dans ce genre-là, parce que moi, personnellement, tout seul, je trouve que le jeu revient un peu cher. Okay. Bon, écoute. Mais pour conclure sur la critique, je vous dirais que c'est un bon jeu, c'est pas un mauvais jeu, mais il faut que vous attendiez à quand même débourser un certain montant pour pouvoir y jouer. Mais je vous dirais, pour le prix que ça vaut, peut-être pour tout, il y a des jeux qui m'ont offert plus de satisfaction de jouer que celui-là. Donc, Donc, vous voyez un ami qui l'a finalement pour le tester. C'est ça. Et voilà, ou partagez-vous ça à deux, ça vaudra peut-être la peine à ce moment-là. On parlait du jeu X-Wing Miniature Game. Monsieur Castegan, merci de cette critique. Ça fait plaisir. Et mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Je voudrais remercier Monsieur Castegan d'avoir été là, comme à chaque semaine. Merci Andrew d'avoir été là. Un plaisir, comme toujours. Et mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là à chaque semaine. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter toutes nos émissions, podcasts et autres nouvelles. Allez regarder ça sur notre site. Allez également sur Facebook, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver assez facilement. Et profitez-en, mesdames et messieurs, on a parti une campagne de financement la semaine passée pour nous aider à amasser les fonds qu'il faut pour refaire le site internet de l'émission et aussi s'acheter de l'équipement. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est bénévole. Ça fait 5 ans que c'est en onde depuis cette année, Puissance Maximale. Ça a toujours été fait bénévolement de nos poches. On n'a rien contre ça. On aime ça faire ça. Mais on aimerait ça aller un peu plus loin, sortir des studios un peu, faire des émissions ailleurs. Donc, allez faire des dons sur Indiegogo, sur la page Puissance Maximale de Facebook. Vous allez trouver le lien assez facilement. Et je vous rappelle, et je vous dis, en fait, comme à chaque semaine, de passer une excellente semaine de jeu. Solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we one, two, three, four, die.